C'est parti. Chapitre 4. La première nuit. Putain, auteur. C'est quoi? Attends, tu vas parler à ton personnage là. Auteur. Les guillemets sont lorsque les personnages pensent. Voilà. Allez, bonne lecture. Smiley est content. Pourquoi est-ce que tu précises ça au chapitre 4? Parce qu'il y a des gens qui ont dû poser la question. Je pense. Je me réveillais, j'étais couchée par réveille, je te réveille. Waouh! Il était sur celui-là. J'étais couchée par terre avec un doigt gros comme une boule de billard et une marque de robinet sur la tête qui changeait de couleur. Je suis un arbre de Noël, quoi. Je ressemblais à un sapin de Noël. Voilà. T'as pas changé. C'est moi qui ai écrit l'histoire. Hein. Sérieux, je vais à l'Oricto nettoyant mon sang avec moi. Pas moi, non mais... avec tes cheveux. Avec moi. C'est hyper comme ça de faire piller. Ah, moi. Mon éponge, elle était toute neuve. Smiley qui pleure. C'est une éponge, elle va. Et tu vois, bah enfin réveiller, c'est pas trop tôt. Non, moi je comprends, hein. Franchement, mon éponge pour laver la vaisselle, je détesterais qu'on lave le sol avec. C'est dégueulasse, après tu peux plus laver la vaisselle avec. Bah tu changes. Et bah justement, elle était toute neuve, c'est triste. Mais les riches s'en foutent. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais faut aller l'acheter aussi. Et pour l'éponge DSL, je savais pas où était la serpillière, oui. Smiley est gêné. Désolée. Comment ça va sinon? Oh putain. Moi. Mis à part que je ressemble à un sapin de Noël avec une guirlande incluse, tout va bien. Smiley gêné. Non, il n'y a même pas le bien en fait, il y a juste tout va. Smiley gêné, Smiley qui blush. Pourquoi t'as pas de t-shirt? Ah bah tiens, évidemment. Forcément, hein. Il est sorti de la douche en précipitation, de son bain. De son bain, le mec, il t'entend se faire couler en bas, je rappelle. Icto, Smiley gêné, qui blush. Ben, je voulais te demander où il y en avait des propres, mais... T'es vu par terre agonisant, donc j'ai pas tellement eu le temps d'en mettre. Elle a pas de t-shirt pour homme. Son père est parti depuis 4 ans. Ah bah ouais, je pense qu'il a tourné à ce stade. Hein. Moi tournant la tête. Elle veut lui donner un petit truc à froufrou rose. Putain. Moi tournant la tête. Dans ta chambre, armoire du fond, troisième tiroir, il y a des vêtements de mon père. Allez, va et je veux pas te voir son t-shirt ou autre chose du même genre. Smiley qui du genre sans pantalon. Ouais. Icto, Smiley oh, content. Enlevez-moi cette peau que je vois. Dieu, Smiley est content. Cachez-moi ce torse que je ne saurais voir. Ce téton. Ces poils, attention. Smiley est content. Poils, son âge, voyons. Dans... Quel genre exactement? Moi, le poussant sans regarder. Smiley qui blush. Tu m'as très bien compris, allez oust. Après l'avoir poussé jusqu'à l'escalier, je revins à la cuisine pour nettoyer toute cette... Pagaille. Ça s'écrit comme ça, pagaille? Comment t'as écrit? Je crois pas, non. Je crois qu'il y a pas de G, U, A, I, 2, L. Non. Il y a un problème. Pagaille. Je crois pas, non. Pagaille. Pagaille. G, A, I. Je crois qu'il y a les 2 L, mais il y a juste pas le U, en fait. Je pense. C'est P, G, A, I, 2 L. P, A, G, A, I, 2 L. Moi, j'ai perdu tout ce sang. Il m'en reste encore. Ça se trouve, je suis une vampire, et toi dans les yeux. Oui. Comme la fille dans Vampire Nights. Oui, effectivement, elle est une humaine au début et après elle découvre son secret grâce à son SONS. Grâce à. Mince, c'était quoi son nom déjà? Kaname, voilà. Pff, ça craint d'être amoureuse de son frère, n'empêche. C'est pire en vrai, hein, mais bon. Oui. Mais tu entends la gêne de l'or. Oh putain. Et tu entends la personne qui a lu l'histoire jusqu'au bout. J'ai honte de mon enfance. T'inquiète, moi j'ai lu jusqu'au bout. Pendant que je rêvassais à tout et n'importe quoi, Icto arriva sur la pointe des pieds, tel un chat, et se posta devant moi à me regarder. Ok. Moi, bien sûr, je ne le vis même pas. Smiley est gêné. Il y a des problèmes. Icto. Youhou, Mayou, redescends sur terre. Moi. Hein? Attends, il l'appelle déjà avec un petit surnom. Le gars, il la connaît depuis une heure. Il a pris un bain, c'est bon, maintenant on peut être familier. Il a pris les vêtements de son père. Ah, ou en plus. Ouais. On peut dire qu'il a l'accord du père. C'est vrai. Hein, tu viens avec ma fille, toi. Oh, gosh. Et en plus, tu prends mes fringues et tu l'appelles avec un petit surnom au bout d'une heure. Et t'as pris un bain dans ma baignoire. Et elle a vu ton torse. Tes tétons nus, rosés. Rosette. Devant t'as trouvé finalement. Bon, va mettre la table, je vais faire à manger. Il manque des virgules dans toutes ces phrases. Icto. Ok, mais après tu vas te laver. Moi. Ben pourquoi je suis très propre. Mais vous avez quoi avec les douches là? Dans toutes les histoires, il y a ça, c'est dingue! Sensuellement, les gens ont des problèmes avec la douche. Je crois bien! Les parents, ils nous ont stressés avec la douche. Je crois bien, putain, c'est ouf! Putain. C'est regardant, j'ai rien dit. 30 minutes plus tard. C'est bon, je suis prête. Icto a fallu sur le canapé. Fin, très fin. D'accord, c'est devenu un homme de Cro-Magnon. Femme! Putain! Moi, oui, attends, 10 minutes encore, ça cuit. 10 minutes après, moi à table, Icto apparaissant sur une chaise. Ça sent bon. Apparaissant, genre. Oui, déjà il a poupé. Oh putain. Oh putain, non. Moi m'asseyant. Putain, mec, qui masse. Oh, il masse. Moi qui au moins ça, elle l'a pas fait. Bah si. C'est fini. Il n'y a pas eu le royo, mais il y a eu le Itadakimasu. Non. N'empêche, au moins là, c'est plus en couleur. Oui. Déjà ça. Icto. Hein? Moi. Oh, bon appétit si tu préfères. Mais ils sont. Ah, ils sont japonais, bordel! Mais en vrai, dans toutes les fanfics que j'ai lues de trucs où les gens sont censés. Où c'est censé se passer au Japon, tu vois. Ils oublient. Il y a toujours des gens qui sont pas au courant, qui sont japonais et qui font des trucs dans ce genre-là. Ça n'a pas de sens. Et nous mangeâmes dans le silence, puis nous partîmes nous coucher. Putain, mais pourquoi il y a du passé simple qui pop une fois toutes les 10 lignes comme ça? Je ne sais pas. Parce que ça n'avait pas conjugué le reste en passé. Je retrouve mes RP aussi. Putain, ah, et moi, je les avais en version papier, mais ça fait peur. Hein. Oh, je vous les retrouver. J'avais quelques histoires de fanfic de merde aussi. Alors, du côté d'Icto. Icto. Je flippe un peu dans cette chambre. Les yeux des posters, ça fait peur, c'est horrible. En plus, il y en a partout. Bon, on se calme, on dort. Allez, crac. Ah, le lit grince en plus. J'aime pas du tout cette chambre. Mais pas du tout. T'as qu'à aller dormir dehors. Lâchant un petit couinement. Il y a un truc qui a sauté sur le lit. Bon, restons calmes. Ça ne doit être que mon imagination, rien d'autre. Smiley, très très très très très très gêné. 3 points d'interrogation avec voix de Dark Vador. Icto. Ah, le lendemain de retour de mon côté. C'est ça. Ça s'appelle un réveil. Moi. Tu pouvais pas mettre bip bip bip comme tout le monde. Non, j'aime bien être original. Tu m'étonnes que ça réveille pas. Tu m'étonnes que ça réveille. Tu m'étonnes que ça réveille. Que... tu m'étonnes que ça réveille pas. Bidi bidi bidi bidi bidi bidi. Ah ouais. Le truc il fait pas bip. Mais... dépense pas les oreilles. Je cherche à le réveil. Oh là là. Comme tous les matins. Finalement, c'était mieux avec le passé simple. De la main. Sauf que cette fois, ce ne fut pas le réveil que je toucha, mais une espèce de truc poilu. Une tête, je crois. Attends, c'est elle qui est allée dans le lit. C'est elle qui a fait miaou. T'imagines. Avec la voix de Dark Vador. Alors, en fait, moi, j'ai, ou alors il est venu se réfugier dans poil, son lit. J'ai pas pensé au bon poil. Oui, bah pareil. Ah non. Mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai que si elle est un peu bas. Oui. Il peut dormir mieux. Hein. Écoute, gauche. Ah. Mais c'est son chat, j'espère. Quoi? C'est le chat qu'elle a dans sa maison. Attends. Je sursauta. Il y a Manon qui s'étouffe. Oula, Manon. Manon. Ça va aller. Oh merde. Ouais. Elle est morte. Donc, je sursauta, ce qui me cogna la tête dans le plafond. Ce et à moitié assommé. Cogna la tête sur le plafond. C'est vraiment. Putain, t'as dit ça comme. Exactement. Et avec votre esprit. Icto. Au secours. Attends, non, c'est avec son esprit, je crois. Avec votre esprit. T'es sûr? Oui. C'est quoi, ça? C'est une messe. Ah, moi j'ai le TRS. Avec votre esprit. Oh, amen. Amen. Je t'avoue que j'ai fui les messes autant que je pouvais pendant ma scolarité. Bah, en fait, le truc, c'est que mes parents sont pas croyants. Et moi, ils le sont pas, mais j'étais dans une école catho. Oui, mais j'étais même pas dans une école catho. Du coup, j'ai vraiment évité ça. Je suis sur Trota, ce qui me cogne à la tête dans le plafond, puis à moitié assommé. Ça doit être une manie de m'assommer. Sans maillement carême, bien sûr. Ma tête tomba en avant et rencontrant la poutre au passage. Boum. Waouh. Je tomba cette fois vraiment assommé du lit. sur une chose chaude et dure. Alors, entre le truc avec des poils et la chose chaude et dure. Ah, elle peut. Le mec, il est en train de se taper une. Qu'est-ce qu'il fait? Aïe, qu'est-ce qui me tombe dessus? Mayu, c'est toi? Mais arrête, bon sang, t'es lourde. Allez, debout. Vraie marmotte, elle se réveille même pas. Lundi matin dans ma chambre. Nom d'un chien, Mayu, debout, tu m'écrases. Moi. Non, c'est pas l'heure, maman. On est dimanche. Oh putain. Hein? C'est moi, Ikto, couillonne. Moi, s'accrochant à Ikto. Non, ne me laisse pas. Ikto, encore 10 minutes et je me lève, promis. Ikto. What? Je suis gênée. J'ai chaud. Oh là là là là. Oh mon dieu. J'ai chaud d'un coup. Moi, sursautant. Ah non, Ikto. Elle parle de moi. Smiley qui blush. Mais bon, tant pis, c'est l'heure. Mayu, debout. Moi, sursautant. 29. Ah non, on n'est pas à l'école. Ah bonjour, Ikto. Comment ça? Ah! Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre par terre? Allez, oust. En même temps, c'est vrai que c'est sa faute pour être allé dans sa chambre. Ouais. Ikto sortant. Aïe, aïe, aïe, aïe. Mayu, arrête. Ouch. Moi. Et ne t'avise plus jamais de remettre les pieds ici, non mais. Aucun respect des hommes. Jamais comment je change de voix d'un coup. Mais le pire, en fait, tu cries pas. Genre, juste tu prends une voix de... Et puis tu parles plus vite. J'allais m'asseoir. D'accord. J'allais m'asseoir. Donc on est devenus musulmans maintenant. Sur mon lit. M'asseoir. Encore toute déboussolée de ma rencontre. Moi. Ah, pourquoi il était là ce baka? Oh non. Non. Tu l'as mis. J'ai mis baka. Non. Ce baka. Ce baka. Il est là. Putain. Baka. Et je le serrais contre moi. Avait même pas de t-shirt. Ah, et pourquoi il était là? Oh, ça va me traumatiser toute ma vie, ça. En même temps. Oh bah putain, c'est traumatisé pour pas grand chose, hein. En même temps, c'était pas désagréable de serrer dans mes bras. Bah oui, ils sont censés être amoureux ou pas à la fin? Pourquoi je suis. Est-ce que tu portes très bien ta petite culotte de même chose qu'elle va être un peu. Oh putain. Oh putain. Pour tenir un peu. Et on va faire un petit rappel. Hein. Elle a dit aux dernières nouvelles qu'elle avait 13 ans et que lui en avait 17. Mm-hmm. Oh, c'est gênant ce chapitre. Non, Mayu, arrête de penser à des trucs aussi tordus. Bon, allez, je vais aller faire le petit-déj. À table, on va mettre laver et habiller. Habiller et laver. Elle s'habille avant de se laver. Ouais. Bon. Ikto, 3 petits points. Moi, 3 petits points blush. Ikto. Au moins, toi, tu mets pas rien. Oui, c'est vrai. Ikto, tu sais que t'as parlé de moi quand tu rêvais. Smile est content. Moi. Smile est blush. Non. C'est même pas vrai. Smile est blush. Tsundere. Ikto. Et tu m'as même serré dans tes bras. Smile est content. Moi. Ah, je suis beaucoup trop heureux. Hein. Ça va tout. Non, mais. Je suis très gênée. Je fais toujours. C'est un petit tic. D'accord. Oh putain. On s'en bat les couilles déjà. Smile est blush. Bon. Changeons de sujet, pourquoi t'étais dans ma chambre? Trois points d'interrogation. Ikto, bah ta chambre là que tu m'as prêtée, bah elle me foutait les jetons. Donc j'ai préféré venir dormir dans ta chambre. T'aurais pu demander quand même. Comment j'ai écrit jetons? J'ai un jeton quoi. C-H-T-O-N-S. Les jetons. C'est pas les jetons, tu sais, c'est les jetons. Jetons, je dirais une onomatopée. Jetons. Oh putain. Et puis il y avait ce truc là qui a fait un bruit de genre miaou, mais avec la voix de masque que tu m'as acheté, ça m'a fait très peur. Oh gosh, j'ai tellement de fautes. Au secours. Ça m'a fait très peur, j'avoue, ça m'a fait les blush. Comment un chat peut miauler face à Dark Vador? Moi. C'était dans. J'ai l'impression que tu. Ah, mais c'est Dark Vador qui rôtait. Qui rôtait. Ouais, ça peut être Dark Vador. Ouais. Ouais. C'est maintenant que tu serais là, j'ai l'impression qu'il fait. Ah putain. Est-ce que si tu lui grattes la tête, il fait. Oh mon dieu. Il fait. Si, il commence à mourir, du coup. Moi, c'était le chat. Ikto, quoi? Moi. Oui, le chat, oh non, le masque. Trop moche. Attends, quoi? Oui, le chat, le masque. Où tu l'as mis depuis? Ah, mais oui, c'est vrai, il l'avait balancé sur le chat. C'est vrai. C'est pour ça que le chat il avait la voix de Dark Vador. Mon dieu. Mais c'était le masque le moins cher, mais le masque qui te modifie la voix, hein. Bah c'est juste parce que genre comme ça tu vois ça suffit à te modifier la voix que comme ça bah. Mais genre, comment le chat il pourrait comment le chat il pourrait modifier juste en ayant le masque comme ça posé. Non mais il a dû tomber genre là le masque je sais pas. On s'en fout, c'est pas logique, c'est l'or qu'il a écrit. Hey la lore de 11 ans. Voilà, je préfère. L'or qui avait 11 ans. Mais les histoires elles sont plus logiques maintenant. Ah bah j'espère parce que sinon notre film est mal barré. Non. Ensuite. Ça, tu dirais ce que j'avais fait. Mais t'inquiète pas, je pense qu'on est toutes passées à peu près par cet état. Icto. Sauf qu'il y en a qui ne l'ont pas écrit. C'est ça. Du coup, il n'y a aucune preuve. Ben, je l'ai jeté sur un truc qui a un peu ronchonné après. C'était donc ça le truc qui a râlé. Il est con ou quoi? Moi, genre un fauteuil, ça ronchonne. Forcément, c'est un animal. C'était professeur slogan en fait. Je sais pas. Sortant de table et, me dirigeant vers la porte. Oui, smiley blasé. Puis surtout, il a quand même confondu un chat avec un pouf. Hein. Je sais pas quelle taille il fait ce chat, mais. C'est mon chat, tu sais. C'est un Maine Coon, le truc. C'est un tigre, le truc, en fait. C'est un putain de puma. Il s'est fait des grands yeux, là. Oui, bon, allez, je me dépêche, sinon, S-I, plus loin, non. Je vais être en retard. Non, je vais être... Et retard. E retard. Je vais être en retard. Il y a juste un E. Icto. En retard? Où ça? Moi. Bah à l'école, patate, j'ai pas... T'as 17 ans, tu vas à l'école, connard. T'as pas encore passé ton... N'empêche que science, t'as réussi à l'écrire correctement alors que c'est SC pour faire le sens. Elle est vraiment pas sympa, Candice. Par contre, le C, c'est 10, ça, tu connais pas. Et juste le CE, tu connaissais pas non plus. Je sais pas pourquoi. À l'école, toujours, comme toujours à ma place, à Camé, chuchotant. T'as les yeux en face des trous. C'est normal. Ouais. Alors normalement, petite lore, je crois qu'il manque un on pas, dit t'as pas les yeux en face des trous. Je pense que le mot a juste été un peu oublié parce que sinon c'est pas logique. Qu'est-ce que t'as fait cette nuit? Caisse. Q-U-apostrophe-S. Caisse. Comme une caisse. Et ton doigt. Moi, chuchotant. Mon cousin, je veux dire, est à la maison pour un certain temps et il est du genre, comment dire, super pourri gâté et je dois m'occuper de lui tout le temps. Akame, chuchotant. Ok, sinon, toujours sinon, c'est non. Tu pourrais me le présenter? Elle est pas du tout en chien. Putain. Et... Oh, un cousin, hein, ça m'intéresse. Genre, elles ont 13 ans. Hein. Peut-être 14, elle allait pour dire parce que. Je veux dire, pas maintenant, mais peut-être une autre fois. Smile est très gêné. Akame, t'es bizarre. Oh putain, j'écris bizarre comment? B-I-Z-Z-A-R-S. Bizarre. En plus, le T juste avant, c'est T apostrophe E-S-T. Déjà. Donc t'es bizarre, mais bon, ok. Monsieur génialissime. Génialisime en réalité. Génialisime, pardon. Il y a 3 L ou je rêve? Non, il y en a 4. J'en sais rien. 1, 2, 3, je crois qu'il y en a 3. Il y a 3 L et il y a qu'un seul S. Oui. Mon abominable professeur de français. Mesdemoiselles, je vous prierai de vous taire si vous voulez pas des prof cours de français. Rattrapage. C'est pour ça que je l'aimais pas, je pense. Non mais c'est ce que mon prof de français au Japon. Ah putain, ouais. Ah, putain. Ah mais oui. Mais ah, non. Alors Laura, elle est stupide. Alors peut-être qu'ils apprennent le français, mais je pense pas qu'à 13 ans ils apprennent une langue étrangère. Bah pourquoi pas. Oui. Une langue étrangère, je veux bien. Par contre, le français, ça leur est pas d'une grande utilité. C'est l'anglais. Bah c'est ça. Du coup, je vois pas pourquoi. Ça serait une option. Oui. Ouais. En tout cas, on comprend pourquoi elle sait pas parler, vu que son prof apparemment a pas envie d'écouter. De retour chez moi. Je suis rentrée. Smile est content. Icto. Affalé sur le canapé. Ah, j'ai faim. Putain, il sait même pas cuisiner, ce con. Moi, mais pourquoi t'as pas mangé? Je t'avais tout préparé. Icto boudant. Je ne mange pas les choses qui sortent des conserves. Moi, sale con, tu vas arrêter, ouais. Putain, là, le mec, je lui fous une bâche du ventre. Il est hyper long, ce chapitre. 10 minutes après, ouais, j'avoue. 7 heures à table. Moi, c'est prêt. Oui, bon, prêt, genre très près de ton visage. Attends, tout à l'heure, il était censé être près d'elle et c'était prêt, genre je suis prête. Et je maintenant, suis prête à faire la course. Je suis prêt. T'as inversé les deux. Icto sprint en direction la cuisine. Cool. Moi, m'asseyant à table. Va falloir qu'on parle. Putain, ce cliché de la fille qui fait la cuisine et le mec qui vient bouffer juste après. Putain, c'est vraiment triste. Hein. Puis attends, il sprint. Enfin, genre là, tu accumules un nombre impressionnant de clichés quand même. Genre, il est mort. Ah, et puis il faut qu'on parle, on dirait un vieux coup, quoi. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Oulala. Icto, la bouche pleine. De ce matin, je te promets que je t'ai pas touché la nuit, ni même le matin. C'était toi qui me touchais. Oui, visiblement, il était chaud et dur, écoute. Elle a testé poil, il était chaud et dur. Oh, sa mère. Moi, non, pas de ça, smiley gêné. Mon ami veut te rencontrer, Icto. C'est cool. Crachant sa bouchée de pâte. Pardon? Moi, messieurs, un visage couvert de pâte. Oh, dégueulasse. Attends, il vient de cracher sa bouchée de pâte dans sa gueule. Ah, génial. Le truc, wow, c'est grosse ambiance. Non, elle nous aime comme ça. Un peu sauvage. C'est un peu dégueulasse, fait, c'est vomir dans la tronche. C'est une table, c'est un bar. En fait, c'est pas assez large. Il parle, ils sont au nez comme ça, en fait. C'est pas une table, quelle c'est horreur. Un bar. Par contre, le truc avec l'eau, ça, genre, tu sais, tu bois et si on dit un truc choquant, tu fais. Oh, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, mais les pâtes, c'est lourd. Tu peux m'en prendre dans la gueule à cause c'est de ma lourd, pâte. Une pâte. C'est oui, pas non, les pâtes, non. Non. Moi, ça tombe plus vite. C'est pour ça que je pense que c'est un bar, en fait, tu vois, c'est assez proche. Très, très proche. C'est une table très fine. Moi, m'essuyant le visage couvert de pâte. Merci. Oui, elle veut te voir. Icto, reprenant une bouchée de pâte, une bouchée comme le boucher. Un boucher. La boucherie. Un boucher. J'espère que t'as pas dit oui. Moi, t'inquiète, j'ai dit non, mais je la connais bien, elle va pas renoncer, donc va falloir faire quelque chose. Ah oui, elle est vraiment en chien, quoi. Y'a un mec. Putain, y'a un mec. Il est peut-être potable. Icto, moi, j'ai une idée, on a qu'à te teindre les cheveux. Icto, c'est moi qui choisis la couleur alors. Moi, voilà. Si, hein. C'est parce qu'il y a toujours des trucs dans la bouche. Non, ouais, mais c'est surtout qu'il genre, il bronche pas en mode ok. C'est ça. C'est une star, il a l'habitude. Changement. Ouais. S'il y a que ça. Bon, allez, manne-toi le croupion. D'accord. Ouais, mais puis toi, c'est le croupion, mais en fait, il y en a plusieurs parce qu'il reste. Mais c'est quoi cette expression que j'utilise plus depuis genre beaucoup trop d'années. Mais déjà, à l'âge que t'as maintenant, tu utilises des expressions de vieille, mais visiblement, tu utilises des expressions encore plus vieilles quand t'avais 11 ans. On va y aller. Tu vas bientôt sortir pas piquer des hannetons et puis ça sera drôle. Putain, non, ça je dis pas. Icto, maintenant ? Moi ? Oui, allez. 8h, chez le coiffeur. Et elle l'emmène chez un coiffeur. Genre, en plus à 8h du soir. En plein milieu c'est d'une rue, du coup, certainement, avec plein de gens autour qui sont coiffés. Bah oui. Et elle pouvait pas juste acheter de la teinture pour cheveux. Enfin, mais elle est pas douée. Je rappelle qu'elle est pas douée. Enfin, mais il peut très bien le faire lui-même, au pire. Non, mais c'est une princesse. Stupide. C'est vrai. C'est 10 balles, mec. Le vrai, c'est 10 balles. Hein. C'est une star. Moi, je ne fais rien faire à part par des professionnels. Okay. Moi, je ne toucherai jamais à ce genre de choses. Moi, bonsoir. À 8h. Au moins, tu nous as pas sorti le code Mawa, là. C'est ça. Coiffeuse avec un accent anglais. Good evening, mademoiselle. C'est pour qui? Oh putain, mais t'es fait. Oh là là. Il y a un anglais à Tokyo. Hein. Mon ami. Ah ok, d'accord. C'est pour qui? C'est pour mon ami. Ok. Je savais pas comment il s'appelait au début. Coiffeuse. Et tu croyais qu'elle lui disait mon ami? Ouais, c'est ça. Coiffeuse. Ok, ça descend avec tout. Mister, voulez-vous bien enlever votre capuche et votre lunette, please? Icto, les enlevants. Coiffeuse. Oh no, it must be dreaming. Aïe. I must be dreaming. Et vous êtes Mr. Icto, it's me, hein, heep. What? La meuf, elle vient de jouer dans 5 kilos. Et encore, elle le fait d'une certaine façon, mais il y a tellement de points d'exclamation et ouais. De lettres. Ouais. Genre. La meuf, elle se sent plus là. Icto, chut. Coiffeuse. Excuse me, Mr. Veuillez me suivre, please. We are going in the next room. C'est quoi cette imitation d'anglais? Icto se retournant et me chuchotant. Qu'est-ce qu'elle a dit? Moi, cherche pas à comprendre et regarde devant toi avant de te payer un boom. Pourquoi il y a un mur? Mais pourquoi lui aussi il est trop con? Mais surtout pourquoi dans le salon de coiffure il y a un mur qui est trop bas? J'en peux plus. Non mais surtout genre... J'ai mal au dos à force de rire. Ah ça c'est pas logique. Non, je sais. C'était affalé. Comme ça, ouais. Affalé. En plus. Ah, moi. Ha ha ha, quelle empotée. Ha ha ha, coiffeuse. Oh, you all right, monsieur? Venez, nous allons treat cette blessure. Treat is a blessure. D'accord. Ils ont traité cette blessure. Oh là là, mais il s'est pas blessé, il s'est à peine un peu cogné. Ils ont traité quand même. Genre le truc est terminé. Attends, je rêve où la coiffeuse elle veut se le taper. Ah bah totalement. Parce que là, elle est là genre, bah, oh non, on va traiter cette blessure. La coiffeuse elle va avoir 25-30 ans, le mec il en a 17. Moi, ils ont des problèmes dans ton histoire. Moi, je vous rappelle que l'on vient pour une teinture. Coiffeuse, regard glacial. Oui, I know, miss. Mais j'ai quand même envie de me le taper. I'm a fucking pétasse, ok? I do what I want to do. Je suis super ficelée. C'est-à-dire baiser ton mec. Je suis super ficelée et que je veux me taper une star. If I want to fuck Ikto in the next room, I fuck Ikto in the next room. Ok? Bordel! Ikto suivit la coiffeuse anglaise pendant que moi je restais dans la salle d'attente. Mais pourquoi elle reste dans la salle d'attente? Il va vraiment se faire niquer. Il va se faire violer. Oh, putain. Elle va entendre un petit... Attends, ce qu'elle va colorer, c'est pas ses cheveux. Le bruit de Link dans The Breath of the Wild, la dernière augmentation des habits qui fait... Non, putain, oui. Qui se fait enlever par la fée. C'est ça. Là, c'est pareil, tu l'entends dans la salle à côté qui fait. Est-ce que c'est le 4e chapitre jusqu'à la 14e page? Je sais pas. Non, je pense pas. Moi, je restais dans la salle d'attente. Une petite table était posée entre ma chaise et la chaise voisine, avec au-dessus des magazines tels que Paris Match, Elle, Voici. Il y a Paris Match, Elle et Voici au Japon, quoi. Hé, hey, l'or stupide. Oh là là. Putain, je me fatigue. Ah, des trucs bidons quoi. Je fouille mon sac à la recherche d'un manga égaré. Bingo. Vampire Knight. Ah putain. Quel top, Vampire Knight au retour. Pendant 2 heures, l'univers du livre était autour de moi jusqu'à ce qu'il finisse. Smiley qui pleure. Crotte, y en a pas d'autres. Moi, bizarre, il a toujours pas fini. Bah non, il se fait violer. Il faut pas 3 ans pour une coloration. Bah si. Sachant qu'il faut à peu près 3 heures justement. Vaut mieux, il vaut mieux. Vaut. VOS. Il vaut. Oh bordel. Tu l'as pas écrit comme un veau. Ah non. Au moins. Je devais pas la connaître d'écriture, je pense. Ouais, ce serait presque plus proche que la vraie, oui, de la vraie écriture que celui-là. Vaut mieux que j'aille vérifier moi-même, demanda la caissière. Excusez-moi, mademoiselle, sauriez-vous si mon ami a fini? Caissière. Vous avez des jambes que je tâche, donc utilisez-les. Ok, alors service client 0. Hein, ça, voilà, fait. Putain. Bon, d'accord. En fait, t'as toutes les coiffeuses qui sont en train de lui passer dessus, en fait. Quelle horreur. Ouais, je crois à la chaîne, tu sais. Le mec, elle a... Allez, c'est mon tour. Elle va le retrouver. Merde, faut attendre, c'est redescendu. Le mec, s'il va le retrouver, il va avoir l'épaisseur d'une feuille de papier, tellement il va être desséché. Je me dirigeais vers la deuxième plaie. Elle deuxième m'en pièce. Et devinez avec un accent, pas EZ. Ce qui se trouve... Ce que je trouvis. Bah, le mec en train de se faire violer. Oui, Ikto, ça paraît logique, mais ce petit hindou, il était en train de siroter un thé glacé tranquille. L'autre. Je pensais qu'il allait être en train de siroter d'autres. Il était... Oh. Sa coloration devait être terminée depuis longtemps. Et bien sûr, monsieur préférait papoter et boire. Pff, je vous jure. Jalouse. Faut qu'il se réhydrate un peu après, attends. Oh, non, après qu'elle l'ait vidé, faut qu'il se remplisse. Oh. Je m'approche de lui et lui attrape l'oreille. Putain, la meuf. Ça, cette maman, quoi. Moi, d'un ton toujours aussi glacial. Ikto, on rentre. Ikto, aïe, aïe, aïe. J'arrive. Lâche-moi l'oreille. Ouille. Genre, il y a personne qui s'est inquiété que, genre, qu'il y a une grande star qui est disparue. Non. Qu'on lui ait brûlé sa maison. Ça a pas fait la une des grands. Son agent s'est pas du tout inquiété. Non, pas du tout. Tout le monde s'en bat les couilles. Il peut disparaître quand il veut. À la caisse, avec toujours l'oreille d'Ikto dans la main et sur le même ton. La note, s'il vous plaît. Elle arrive avec l'oreille. Alors ça, c'est dans... La note. L'addition, s'il vous plaît. Elle nous la donna sans broncher et je paya. Tu payes pour lui en plus. Bah il a plus de fric apparemment, il est à la rue. Ouais. Nous partîmes à la maison. Putain, je vais acheter une perruque. Ne vous dites pas que je suis jalouse. Ah ça non. Mais dis pas que je suis jalouse. Ah. Je déteste juste qu'on me fasse poireauter. Je tourna la tête. Oh. Et Victo en train de se tenir l'oreille. Comme si elle allait se décrocher. Non mais pas un sou de jugeote les hommes. T'as un problème. Pff, t'avais un problème. Puis c'est un ouais. sou mais avec un S à la fin quand même. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Oh, oh, fatigue. Il finit quand ce putain de chapitre? Attends. Non c'est toujours le même chapitre. Ouais. À la maison. Je lâcha l'oreille d'Ipto qui se la frotta. En fait, je l'ai pas lâché. Enfin, genre. Mayu, elle l'a pas lâché. Et puis, genre, il se frottait l'oreille tout à l'heure. Ouais, il se frottait l'oreille alors qu'elle avait pas encore lâché. Il était comme ça, mais déjà. Oh, ça me fait mal. Ipto, non, mais ça va pas. Pourquoi t'as fait ça? Moi, croisant les bras. Enfin, moi, sans connaître un peu avec des oreilles différentes. Et une couleur de cheveux différente. Bah, toi, faut que D'ailleurs, il est de quelle couleur hein? On sait pas. On nous a pas dit. Je sais pas. Violet. Rose. Je ne supporte pas qu'on me fasse c'est attendre. Rosette. Ah, c'est Rosette. C'est Rosette. Non. Ikto, tout bas. Dis surtout que t'étais jalouse. Moi, pardon. Ikto, rien. Oh putain, le soumis. Il y a une relation de domination qui est vraiment sincère. Que j'avais pris soin de ranger et d'enlever tous les posters. Je sais pas quand est-ce qu'elle a réussi à faire. J'avoue. J'ai aussi réussi à retirer le masque au chat après 30 minutes de bagarre. Le chat, il a gardé le truc pendant 24 heures. Mais what? Comment il a mangé? Comment il est rentré dans sa caisse? Putain. Avec 6 blessures. Donc une sur la joue et 3 morsures. J'avais eu aucun remerciement en plus. Remerciement? Remerciement. D'accord, t'as dit remerciement. Remerciement. Il y a eu un mélange de remerciement et de morsure en fait. Attends quoi? Je devrais pas me casser la tête pour un type qui est même pas foutu de ranger ses sous-vêtements et de dire merci. Il pourrait... Sous-vêtements. Pourquoi tu dis ça? Déjà il est pas foutu de ranger ses sous-vêtements, donc déjà ça c'était drôle. Et genre sous-vêtements c'est sous-vêtements. Tu vois genre tout attaché. Tout attaché. Tout attaché. Mais genre pas avec le S, genre c'est S-O-U vêtements attachés, tu vois. C'est vrai que sur le moment quand j'ai dit sous-vêtements, ça faisait un peu genre comme les mignons, il fait genre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Genre, ouais, je l'ai entendu comme ça, je t'ai cru que là. Il pourrait faire un effort, quel gamin pire que moi, Smiley ébahi. Smiley chouk. Ouais. Je partis à mon tour dans ma chambre en grognant. La journée de demain allait être longue, très longue.